Bonjour. Les motards sont dans la rue ? Vous êtes quel métier ? Éducateur. Éducateur. Mais là, vous avez tous des blousons Behring. Vous êtes un groupe de motards ou vous êtes quoi ? D'une bande de copains. Vous êtes une bande de copains et vous venez manifester ensemble. Voilà, tout à fait. Avec le même objectif, faire reculer Macron. Voilà. Okay. Et vous, dans votre métier, vous avez d'autres motifs d'être dans la rue que la retraite ? Bah, le pouvoir d'achat surtout. Au départ, c'était même ça. Je travaille à 50 km de chez moi. Tous les jours, je vais travailler avec, bien sûr, un moteur thermique. Ça me coûte de plus en plus cher. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Là, on parle que de la retraite parce que les syndicats s'en mêlent. Mais le pouvoir d'achat reste toujours un problème. Votre prénom, c'est quoi ? Jackie. Merci, Jackie. Bonne manif.